4 Sarah. Nous arrivons à une époque féconde en enseignements profonds et en souvenirs douloureux. Nicolas n'est plus le beau danseur d'Auxerre, l'apprenti bien-aimé de Madame Parangon, l'amoureux de ses 11 000 vierges, tant soit peu martyrs, la plupart, qui se nommaient Jeannette Rousseau, Marguerite Paris, Manon Prudeau, Flipote, Tonton Laclos, Colombe, Edmé Servigné, Delphine Baron ou Rose Lambellin. Ce n'est plus même l'amant déjà formé de Mademoiselle Prudhomme et de la belle Mademoiselle Guéant, ni le galant obscur que la blonde Septimanie, comtesse d'Egmont, avait pu choisir pour suppléer aux froideurs de son noble époux. Nous sommes cette fois en 1780. Nicolas a 45 ans. Il n'est pas vieux encore, mais il n'est plus jeune déjà. Sa voix s'éraille, sa peau se ride, et des fils d'argent se mêlent aux mèches de cheveux noirs qui se laissent voir parfois sous sa perruque négligée. Le riche peut garder longtemps la fraîcheur de ses illusions, comme ses primeurs et ses fleurs rares qu'on obtient chèrement au milieu de l'hiver. Mais le pauvre est bien forcé de subir enfin la triste réalité que l'imagination avait dissimulée longtemps. Alors malheur à l'homme, assez fou pour ouvrir son cœur aux promesses menteuses des jeunes femmes. Jusqu'à 30 ans, les chagrins d'amour glissent sur le cœur qu'il presse sans le pénétrer. Après 40 ans, chaque douleur du moment réveille les douleurs passées. L'homme arrivé au développement complet de son être souffre doublement de ses affections brisées et de sa dignité outragée. À l'époque dont nous parlons, Nicolas demeurait rue de Bièvre, chez Madame de Bélément. Cette dame était une juive d'Anvers, de 40 ans, belle encore, veuve d'un mari problématique, et vivant avec un monsieur Fleurimont, galant émérite, adorateur ruiné, et réduit au rôle de souffre-douleur. À l'époque où Nicolas vint se loger chez Madame Léman, il remarqua à peine une jeune fille de 14 ans, qui déjà reproduisait sous un type plus frais et plus pur les attraits passés de la mère. Pendant les 4 années suivantes, il ne songea même à cet enfant que quand il entendait sa mère la gronder ou la battre. Elle était cependant devenue à la fin une grande blonde de 18 ans, à la peau blanche et transparente. Elle avait dans la taille, dans les poses, dans la démarche, une nonchalance pleine de grâce, et dans le regard une mélancolie si touchante que rien qu'à la regarder, Nicolas se sentait souvent les larmes aux yeux. C'était un avertissement de son cœur qu'il croyait mort et qui n'était qu'endormi. Depuis fort longtemps, Nicolas vivait seul, ne parlant à personne, travaillant le jour et le soir errant à l'aventure le long des rues désertes. Ses amis étaient morts ou dispersés, et il était peu à peu tombé dans cet affaissement profond, dans cette indifférence complète, qui suit ordinairement une jeunesse trop agitée. Enfin, il était tranquille, du moins, dans son anéantissement, quand un dimanche matin, une petite main blanche frappa doucement à la porte de sa chambre. Il ouvrit. C'était Sarah. « Je viens, dit-elle, monsieur Nicolas, à vous prier de me prêter quelques livres dont vous ne vous serviez pas. Vous en avez beaucoup, et moi j'aime la lecture. »« Choisissez, mademoiselle, dit Nicolas. » Ensuite, vous êtes bien maîtresse de les lire, tous les uns après les autres. » Sarah paraissait si timide qu'elle avait si peur d'être importune, sa modestie, sa rougeur, son embarras étaient si naturels que Nicolas s'abandonna entièrement au charme. Elle resta peu, et en sortant, elle présenta son front au baiser paternel de l'écrivain. Toute la semaine, elle travaillait chez les demoiselles Amé, où sa mère l'avait placée pour apprendre à faire de la dentelle. Mais les dimanches, elle ne quittait pas la maison. Aussi renouvela-t-elle ses visites, toujours pour emprunter des livres que Nicolas finit par lui donner. Rien n'était pur et touchant comme ses premières entrevues. Nicolas avait bien appris certains bruits qui couraient sur le compte de la jeune fille, mais il les regardait comme des calomnies. Peut-être cette jeune fille avait-elle été compromise par quelque cause provenant de l'avidité de sa mère. Puis elle avait l'air si candide qu'il se serait fait un scrupule d'altérer par un mot, par un geste, même par un regard, la pureté de son innocence. Il lui témoignait du respect, de l'estime et un empressement dont il n'osait lui-même s'expliquer la nature. Sarah le sentit, ou du moins sa mère le sentit pour elle, car, arrivée à ce point, les visites devinrent plus fréquentes, les conversations plus intimes. Elle lui apporta d'abord quelques chansons très bien choisies, de celles qu'on appelait brunettes, et lui chanta celles qui avaient le plus de rapport avec la situation qu'elle voulait prendre vis-à-vis de lui. Si les passions sont moins subites à 40 ans, le cœur est beaucoup plus tendre. L'homme a moins de fougue, de violence, d'emportement, mais en revanche, il aime avec abnégation et dévouement. l'avenir l'épouvante, et il se cramponne au passé pour tenter de ne pas mourir. Il veut recommencer la vie, et plus la femme aimée est jeune, plus aussi les émotions deviennent vives et délicieuses. Qu'on juge avec quel ravissement Nicolas écoutait les vers suivants, chantés par la plus jolie bouche avec une expression des plus tendres. Mon cœur soupire dès l'aurore, le jour à rien me fait rougir. Le soir, mon cœur soupire encore, je sens du mal et du plaisir. Je rêve à toi quand je sommeille, ton nom m'agite, il me saisit. Je pense à toi quand je m'éveille, ton image partout me suit. Vous chantez avec sentiment, dit Nicolas. Auriez-vous le cœur aussi sensible que votre voix est touchante? Ah, monsieur, dit Sarah, si vous me connaissiez mieux, vous ne me feriez pas cette question. Mais vous m'apprécierez un jour, et vous saurez si je suis constante dans mes sentiments. Voilà ce que votre jolie bouche pouvait me dire de plus agréable. Mon Dieu, c'est tout naturel. Quand on a aimé une fois, n'est-ce pas, pour la vie? Et peut-on oublier jamais la personne qu'on a aimée? Voilà une bien douce morale. C'est celle de la nature. Vous avez de l'esprit et de la philosophie, mademoiselle. J'ai vu un peu de monde, c'est vrai. Je vous conterai cela quelques jours. Nicolas fronça le sourcil. Mais il se rassura bien vite en entendant la jeune fille ajouter, avec un entraînement naïf, qu'elle avait été invitée avec sa mère à de très belles tables, notamment dans une maison de campagne à quelques lieues de Paris, chez un magistrat de cour, où il venait du beau monde. Peut-être y eût-il plus réfléchi si le babillage de l'enfant n'avait tout à coup changé d'objet. « Vous savez, dit-elle, que j'ai été au couvent. Eh bien, j'y ai reçu une éducation si soignée qu'il m'est venu à l'esprit de faire une pièce de théâtre. Oh, le théâtre! C'est ce qui m'a formé. J'y serais allé plus souvent encore, si ce n'est que maman n'aime pas les bons spectacles. Elle s'ennuie à la comédie, et elle n'aime que Nicolet et les grands danseurs du roi. Odino même est trop sérieux pour elle, ou si vous voulez, trop... » Sarah n'osa prononcer le mot qu'elle avait dans la pensée. Nicolas plus tard jugea qu'elle avait voulu dire trop décent. « Eh bien, reprit-il après un silence, puisque vous aimez le théâtre, il faut y essayer vos dispositions, vos grâces et votre esprit. » « Non, dit-elle, je les réserve pour quelque chose de plus important. »« D'important comme quoi ?»« Je les garde pour mériter votre estime. » »« Le coup avait porté. » Nicolas la regarda avec attendrissement et la serra dans ses bras. Insensiblement, les visites se multiplièrent. Madame Léman y mettait un aveuglement et une complaisance inexplicables chez une mère. Quelques relations s'établirent entre les voisins. Le jour des rois étant arrivé, Nicolas offrit le gâteau à la famille, dans lequel il fallait bien compter M. Florimond. Ce dernier, entièrement dans la dépendance de Mme Léman, avait une conversation superficielle, où régnait une politesse recherchée qu'il affectait de tenir de ses souvenirs d'homme du monde. Au dessert, la fève ne se trouva pas dans le gâteau, et Florimond fut soupçonné par la jeune fille de l'avoir fait disparaître, pour se dispenser de payer son avènement à la royauté. « Quelle apparence !» dit Mme Léman. « On sait bien que c'est toujours mon argent qui aurait dansé. » M. Florimond repoussait ses insinuations avec la dignité de l'honneur outragé. « Je crois plutôt, dit Nicolas, que c'est moi qui aurais avalé la fève par mégarde. Je me regarde donc comme obligé de vous offrir du vin chaud. » La satisfaction de Florimond et l'admiration des deux femmes pour le procédé de Nicolas le payèrent avec usure de son sacrifice. Le lendemain, Nicolas reçut la visite de Mme Léman. « J'ai à vous parler, dit-elle, au sujet de ma fille. » Et elle lui raconta qu'elle avait dû la marier à un monsieur Delarbre, jeune homme qui était venu fréquemment dans la maison, puis avait cessé tout à coup ses visites. Elle demanda à Nicolas si sa fille lui avait parlé de ses relations antérieures, innocentes du reste. « Oui, dit-il, mais comme d'un souvenir entièrement effacé. » La mère répondit que ce parti ne convenait nullement à sa fille. Puis, adoucissant sa voix, elle ajouta qu'une nouvelle proposition lui était faite. Un nommé M. de Végon, ancien ami de la famille, offrait d'assurer le sort de cet enfant moyennant une donation de 20 000 livres. Et cela par un sentiment tout paternel, résultant de l'amitié que cet homme respectable avait autrefois pour le père de Sarah. Toutefois, cette dernière avait refusé la proposition, et Mme Léman, sentant son autorité de mère impuissante à vaincre la prévention de la jeune fille, venait prier Nicolas d'agir à son tour par la persuasion que son esprit supérieur était sûr de produire. Nicolas ne put retenir un mouvement de surprise. Mme Léman fit valoir le mauvais état de sa santé. « Si ma pauvre enfant venait à me perdre, qu'arriverait-il » ajouta la mère. « J'ai de l'expérience, moi, mon bon monsieur Nicolas. Le temps passe, la beauté s'en va. Sarah se procurerait avec cette somme une petite rente viagère qui, avec le peu que je lui laisserai, pourrait plus tard la faire vivre honorablement. » Nicolas secoua la tête. La mère le pressa encore en raison de l'amitié qu'il avait pour sa fille, et lui proposa même de le faire dîner avec M. de Végon, afin qu'il pût s'assurer de la pureté des intentions de ce vieillard. Nicolas se sentit blessé au cœur, et ne put dormir de la nuit. Le lendemain matin, Sarah monta chez lui comme à l'ordinaire. Il aborda franchement la question des 20 000 francs et demanda à la jeune fille si elle croyait pouvoir les accepter sans compromettre sa réputation. Sarah baissa les yeux, rougit beaucoup, s'assit sur les genoux de Nicolas et se mit à pleurer. Nicolas la pressa de répondre. « Ah, si j'osais parler !» s'écria-t-elle entre deux soupirs. « Confie-moi tes peines, ma charmante enfant. Si vous saviez combien je suis malheureuse. Malheureuse ? Pourquoi ? Et depuis quand ? Je l'ai toujours été. J'ai une mère. Je la connais. » Sarah paraissait faire un violent effort pour parler. « Ma mère, dit-elle enfin, a fait mourir ma sœur de chagrin. Moi, dans ce temps-là, je n'étais qu'une enfant folle, étourdie et riant toujours. J'ai bien changé depuis. Aujourd'hui encore, ma mère me fait trembler. Rien qu'à l'entendre marcher, je frissonne de peur. » Et elle lui fit l'histoire d'une époque où elle demeurait avec sa mère dans une petite rue du Marais, chez un menuisier. C'était souvent de nouvelles figures qui se succédaient dans l'amitié de la veuve, et la petite fille était reléguée presque toujours dans un grenier, souffrant du froid, de la faim même. Quand elle criait trop fort, sa mère arrivait furieuse, la pinçait, lui tordait les mains, ou lui laissait le visage ensanglanté. Un soir, un homme osa monter jusqu'à ce réduit, et « Pauvre enfant !» s'écria Nicolas. « Ah, mon ami, ah, mon père !» reprit Sarah en se jetant tout en larmes dans les bras de l'écrivain. « J'ai juré depuis longtemps que jamais je ne consentirai à me marier, et que dans tous les cas, je n'épouserai jamais un jeune homme. » Nicolas la regarda avec attendrissement. « Un jeune homme, et cependant ce jeune de l'arbre, qui venait ici il y a quelques mois, si souvent. « Celui-là, dit Sarah en soupirant, oh, celui-là, je puis bien l'avouer, je l'aimais, autant du moins que l'on peut aimer à l'âge où j'étais, mais il ne viendra plus, je lui ai tout dit. » Nicolas pencha la tête dans sa main, réfléchit un instant, puis s'écria rempli de pitié. « Il t'a quitté. Il n'a pas compris que la pureté de ton âme rachetait 1000 fois, pauvre victime, l'infâme lâcheté commise envers toi. » En s'arrêtant sur cette idée, Nicolas pensa involontairement à Madame Parangon. Cette fatalité de sa vie revenait encore une fois, sous une forme nouvelle, retournée un fer vengeur dans son éternelle blessure. Il se leva, parcourut la chambre avec des gestes désespérés. Sarah, qui ne comprenait pas toutes les causes d'une douleur si vive, courut à lui, le fit rasseoir, et tâchant de sourire à travers ses larmes, lui dit en l'embrassant. « Et pourquoi tant me plaindre ? Pourquoi tant de désespoir ? Cela empêchera-t-il l'amitié la plus tendre de durer entre nous, mon protecteur, mon guide ? Pensez-y donc, je ne suis pas coupable, hélas, et vous n'aurez rien à me pardonner. Ensuite, si de l'arbre ne m'avait pas quitté, est-ce que je serais ici, avec vous, dans vos bras, causant, pleurant, riant ? Elle s'était assise de nouveau sur ses genoux, et passait le bras autour de son cou, ce bras de juive déjà parfait, bien qu'elle n'eût que 15 ans. Cette petite main effilée dont les doigts roses traversaient les boucles encore bien fournies de la chevelure de Nicolas. Le calme rentrait peu à peu dans le cœur de l'écrivain. L'agitation nerveuse se calmait. Nicolas reposait ses yeux avec charme sur les traits si réguliers de la pauvre enfant. Il ne put retenir un aveu longtemps arrêté sur ses lèvres. « Qu'avez-vous ? » lui dit Sarah en le voyant un instant rêveur. « Je pense à toi, dit-il, charmant enfant. Il faut te le dire enfin. Depuis longtemps, je t'aime. » Et je te fuyais toujours, effrayé de ta jeunesse et de ta beauté. Toujours jusqu'au matin où je suis venu te voir moi-même. Que voulais-tu que je t'offrisse ? Un cœur flétri par la douleur et par les regrets. Que regrettes-tu maintenant ? Ton cœur n'est-il point calmé ? Il bat plus que jamais. Tiens, touche ma poitrine. Ah, c'est qu'il y a, là sans doute. Et quoi donc ? De l'amour, dit faiblement Sarah. Nicolas revint à lui-même. Sa philosophie d'écrivain lui rendit un instant de force. Non, dit-il gravement. Je n'ai pour toi, mon enfant, qu'une sincère et constante amitié. Et moi, si j'avais de l'amour ? Il cesserait trop tôt. » Sarah baissa les yeux. « Il y a 1 an, reprit Nicolas, j'avais encore une fois cédé au charme. Et pour qui ? Dit Sarah, levant vivement la tête. « Pour une image que je me créa en moi-même, pour une chimère fugitive comme un rêve, et que je ne songeais même pas à réaliser, pour une de ces impossibilités que j'ai poursuivies toute ma vie et que je ne sais quel destin a quelquefois rendu possible. » Mais quelle était cette image ? Quel était ce rêve ? C'était toi, moi, grand Dieu ! Toi que je voyais courir çà et là dans cette maison, toi qui passais à mes côtés, dans l'escalier, dans la rue, et qui grandissais de plus en plus, qui devenait toujours plus belle et que je surprenais parfois à causer le soir sur le pas de la porte avec le jeune de l'arbre. Sarah rougit et dit « Mais je vous jure !»« Et qu'importe !» dit Nicolas avec résolution. « N'était-il pas jeune? N'était-il pas beau et digne alors de toi sans doute? N'est-ce pas naturel? N'est-ce pas même un doux spectacle pour le cœur de l'homme que l'amour pur de deux êtres beaux et jeunes? Moi je t'aimais d'une autre manière. Je t'aimais comme on aime ces étranges visions que l'on voit passer dans les songes, si bien qu'on se réveille épris d'une belle passion, faible souvenir des impressions de la jeunesse, dont on rit un instant après. Oh mon Dieu, on le voit bien, vous êtes un poète. Tu l'as dit. Nous ne vivons pas, nous. Nous analysons la vie. Les autres créatures sont nos joies éternelles, et elles s'en vengent bien aussi. Amitié, amour, qu'est-ce là? Suis-je bien sûr moi-même d'avoir aimé? Les images du jour sont pour moi comme les visions de la nuit. Malheur à qui pénètre dans mon rêve éternel sans être une image impalpable. Comme le peintre, froid à tout ce qui l'entoure, et qui trace avec calme le spectacle d'une bataille ou d'une tempête. Mais ne voyons partout que des modèles à décrire, des passions à rendre, et tous ceux qui se mêlent à notre vie sont victimes de notre égoïsme, comme nous le sommes de notre imagination. « Vous m'effrayez !» s'écria Sarah. « Non, je suis calme, » dit Nicolas. « C'est de l'expérience, ma chère enfant. J'ai appris à connaître, et les autres et moi-même. Et si j'ai l'amertume au cœur, je n'ai plus du moins l'ironie sur les lèvres. Sais-tu ce que nous faisons, nous autres, de nos amours? Nous en faisons des livres pour gagner notre vie. C'est ce qu'a fait Rousseau, le Genevois. » C'est ce que j'ai fait moi-même dans mon paysan perverti. J'ai raconté l'histoire de mes amours avec une pauvre femme d'Auxerre qui est morte. Mais plus discret que Rousseau, je n'ai pas tout dit. Peut-être aussi parce qu'il aurait fallu raconter... Il s'arrêta. « Oh, faites-moi lire ce livre !» s'écria Sarah. « Pas encore. Mais tiens, tu vas voir maintenant combien mon amitié est dangereuse. Je t'ai mise déjà dans mes contemporaines. »« Quel bonheur !» s'écria la jeune fille en frappant des mains. « Mais comment est-ce possible ?» « Puisque tu veux bien me pardonner, charmante fille, voici le livre. Tu vois bien le nom d'Adeline, c'est celui que je t'ai donné. »« Oh, quel joli nom! Je n'en veux plus porter d'autre. Et qui aime-t-elle ?»« Chavigny. »« Chavigny, c'est donc le nom que vous avez choisi pour vous ?»« Non, je l'ai choisi pour le jeune de l'arbre, qui alors venait ici tous les jours. En le voyant si empressé, si amoureux, si tendre, un souvenir de mes jeunes années me revint à l'esprit. Je me figurais que j'étais à sa place, et que c'était moi qui t'aimais. Oh, que j'eusse été plus tendre et plus enthousiaste encore. Il n'était lui-même que l'image affaiblie et vague de ma jeunesse, et cependant je ne pouvais le haïr. Je n'espérais rien. Alors j'exprimais en moi-même, j'exprimais tout seul à sa place les sentiments que tu m'aurais inspirés. Ce qui n'était pour lui que de l'amour était pour moi de l'adoration. J'eusse été jaloux pour lui, au besoin. J'aurais tué son rival. Je t'aurais épousé, moi, à sa place. » Sarah se cacha honteuse dans les bras de Nicolas, puis elle leva vers lui son visage souriant à travers les pleurs. « Oh, parle toujours, » dit-elle, « mais laisse-moi t'admirer dans ton enthousiasme, dans ta bonté, dans ton génie. Avant ce jour, j'aimais à t'écouter surtout. Maintenant, je te regarde, et je te trouve jeune et beau. Oh, que j'envie celle que tu as aimée. » Une seule te valait, ma Sarah, mais elle n'avait pour moi que de l'amitié. Elle n'est plus. Reparlons de cet amour bizarre, où je me suis titué en pensée, à celui qui me paraissait plus digne de toi que moi-même. Tu ne sais pas jusqu'où allait ma folie. Il y a un endroit où j'aime à me promener le soir. On y voit les plus beaux couchers du soleil du monde. C'est l'île Saint-Louis. Eh bien, en m'appuyant, à travers mes contemplations, sur les pierres grises du quai, j'y gravais furtivement les initiales du nom que je t'avais choisi. Adé, Adé, cela signifiait pour moi Adeline adorée. Oh, nous irons ensemble au premier beau jour, et tu me feras voir ces lettres, dit Sarah. Et tu me diras tout ce que tu pensais en les gravant. Oui, mon ami, puisque tu le veux. Mais hélas, je suis plus vieux d'un an encore, et j'ai tant souffert. » Sarah se jeta à son cou, riant et pleurant, tour à tour, versant un baume divin sur les blessures du malheureux. « Tes chagrins aussi seront les miens, » dit-elle. « Nous parlerons ensemble de cette femme d'Auxerre que tu aimais tant. » « Oh, » dit Nicolas, « tant de joie, tant de peine, tout cela me brise le cœur. Que Dieu te bénisse, ma fille, mon enfant. Oui, je t'aime. » J'ai encore de la folie de t'aimer, pardonne-moi. » En ce moment, on entendit dans l'escalier la voix de la veuve Léman appelant sa fille pour le déjeuner. « Je suis forcée de descendre, » dit Sarah. « J'ai seulement un mot à vous dire avant de vous quitter. Tu me dis vous maintenant ?»« Non, c'est une distraction. Je voulais te parler d'une de mes amies que tu as pu voir avec moi, car elle travaille chez la même marchande de mode, Mademoiselle Charpentier. Je l'ai vue, elle est charmante. Elle est si bonne, mais en vérité, je n'ose te dire. Quoi donc? Parle vite, ma charmante enfant. Je crains si fort d'être indiscrète. Mon ami a perdu sa mère, qui, après une longue maladie, ne lui a laissé que des dettes. Que je voudrais être riche pour la pouvoir obliger. Il ne faudrait, quant à présent, qu'un louis pour la tirer du plus grand embarras. Elle le rendrait dans 6 semaines. Un louis? Rien qu'un louis? S'écria Nicolas. Et il alla chercher un gros étui, d'où il en tira 2, qu'il mit dans la main blanche de Sarah en y ajoutant un baiser. « Oh, qu'elle sera heureuse !» dit Sarah. Et elle se précipita joyeuse dans l'escalier.